Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2. Gaumet-du-Pré 1861. Question 3. Ce que c'est que la béatitude? La béatitude est en soi une chose incrée, mais, par rapport à nous, elle consiste dans une opération de notre intelligence contemplant Dieu lui-même dans son essence. 1. La béatitude est-elle quelque chose d'incréé? Les explications précédentes nous ayant montré que Dieu est notre fin dernière, puisque seul, par sa bonté infinie, il peut nous rendre heureux, il est clair que la fin dernière, considérée dans sa cause ou son objet, est quelque chose d'incréé. Quoique, considérée comme acquisition, possession ou jouissance de l'objet qu'on désire, elle soit quelque chose de créé. Sous ce dernier rapport, les hommes sont heureux par participation, en puisant à la source même du bonheur. Si donc on considère la béatitude de l'homme dans l'objet qui la produit, elle est quelque chose d'incréé. Si on la considère dans son essence, elle est un bien créé. 2. La béatitude est-elle une opération? Le bonheur, disait Aristote, consiste dans une opération accomplie avec une vertu parfaite. Cette vérité doit nous faire entendre que la béatitude, considérée comme une chose créée, sera, dans le ciel, une opération. Qu'est-ce, en effet, que la béatitude, si ce n'est la dernière perfection de l'homme? Or, un être n'est parfait que tant qu'il est en acte. La béatitude de l'homme consistera donc dans un acte suprême et parfait, en d'autres termes, elle sera nécessairement une certaine opération. Ceci se voit clairement par ces paroles, « La vie éternelle consiste à vous connaître, vous qui êtes le seul vrai Dieu, Jean 17, 4, car le mot « vie », qui désigne notre fin dernière, doit s'entendre de l'opération même par laquelle le principe de la vie est réduit à l'acte. Note. En Dieu, la béatitude existe essentiellement, puisque son être est son opération. Dans les anges, elle emporte l'idée d'une certaine opération par laquelle ils s'unissent à Dieu. Chez l'homme, ici-bas, elle est aussi dans une opération qui consiste à s'unir à Dieu. Au ciel, cette opération sera une, continuelle et perpétuelle. Ne voyons-nous pas que plus l'opération qui, sur ces terres, nous unit à Dieu est une et prolongée, plus nous sommes heureux. Tous les êtres, y compris même ceux qui sont dépourvus d'intelligence, se rattachent à Dieu comme à leur principe et à leur fin. Mais les créatures intelligentes s'approchent de lui d'une manière spéciale au moyen de leur opération propre qui consiste à le connaître. Confer somme contre les gentils. Fin de la note. 3. La béatitude est-elle une opération sensitive? Ne croyez pas que la béatitude consiste dans les opérations sensitives, car, comme on l'a vu, le bonheur de l'homme est dans l'union avec Dieu. Comment se pourrait-il que cette union s'opéra par les sens? Nous avons, d'ailleurs, suffisamment démontré que le bonheur parfait n'est pas dans les biens matériels. Donc, l'opération sensitive n'appartient pas essentiellement à la béatitude. Il est vrai, cependant, qu'elle la précède et la suit. Elle la précède dans cette vie, où l'exercice de l'intelligence a besoin des sens, mais ceci n'a rapport qu'au bonheur imparfait. Elle la suit dans l'autre vie, car, après la résurrection, l'âme se reflétant sur le corps et sur les organes pour en perfectionner les opérations, l'homme sera perfectionné dans tout son être par le souverain bonheur qui lui est réservé, de telle façon que l'opération sensitive en sera comme une conséquence, bien que l'âme, dans l'opération qui l'unira à Dieu, ne dépend point des sens. 4. La béatitude est-elle une opération de l'intelligence ou de la volonté? En méditant ces paroles du Sauveur, la vie éternelle consiste à vous connaître, vous qui êtes le seul vrai Dieu, on trouve que le bonheur souverain consiste essentiellement dans une opération de l'intelligence. La volonté fait deux choses, elle désire sa fin, quand elle ne la possède pas, elle en ressent du plaisir, quand elle la possède. Or, à proprement parler, ni le désir, ni le plaisir ne constituent la possession de la fin dernière, s'il ne s'y joint un autre acte qui est celui de l'intelligence, car cette fin, que nous voulons dès le principe, nous ne la possédons que tant que l'intelligence nous la rend présente, et c'est quand elle est présente que la volonté jouit en se reposant dans sa possession. De cette manière, l'essence de la béatitude est dans l'acte de l'intellect, et la joie de la volonté en est la consommation. Note. Le bonheur, dit-on, est le premier objet de la volonté. Oui, mais il s'ensuit précisément qu'il ne lui appartient pas comme son acte. L'amour de Dieu est supérieur à la connaissance de Dieu. Oui encore, mais la connaissance précède l'amour, car on n'aime point ce qu'on ne connaît pas. L'intelligence percevant donc la fin dernière avant le mouvement de la volonté, on n'a pas tort de lui rapporter essentiellement la béatitude et d'attribuer à la volonté la jouissance que procure une telle possession. Fin de la note. 5. La béatitude est-elle une opération de l'intellect pratique ou de l'intellect spéculatif? La béatitude, qui est l'opération la plus éminente dont l'homme soit capable, est évidemment une opération de l'intellect spéculatif plutôt que de l'intellect pratique, car la faculté la plus élevée que nous possédions, c'est l'intellect spéculatif, qui a pour objet le bien infini, c'est-à-dire la contemplation de Dieu et de ses divines perfections. Aussi la béatitude consiste-t-elle, non pas dans la vie active qui appartient à l'intellect pratique, mais dans la contemplation des choses divines. N'est-ce pas par la vie contemplative que l'homme communique avec Dieu et avec les anges? Il s'élève évidemment par elle bien au-dessus de la vie active et qui lui est en soi peu commune avec les animaux. C'est pourquoi, nous dirons que la dernière et suprême béatitude qui nous est promise dans la vie future consiste entièrement dans la contemplation, et que la béatitude imparfaite de la terre consiste aussi principalement et avant tout dans la contemplation, puis secondairement dans l'opération de l'intellect pratique qui dirige nos actions et nos passions. 6. La connaissance des sciences spéculatives donne-t-elle la béatitude? Quand le prophète Jérémie, 9, 23, disait aux sages, « Ne vous glorifiez pas de votre sagesse », il parlait précisément de la connaissance de ces sortes de sciences. Conséquemment, elle ne donne pas la souveraine béatitude. La béatitude parfaite s'élève à la source même du bonheur, tandis que les sciences spéculatives ne sauraient dépasser le terme où peut nous conduire la connaissance des choses sensibles, dont elles reçoivent leur premier principe. Qu'elle soit un reflet du bonheur véritable et parfait, nous y consentons, mais, n'élevant pas notre entendement à son acte complet et dernier, elle ne constitue pas essentiellement la béatitude. Bien plus, n'avons-nous pas démontré ailleurs que l'intellect humain ne peut pas même parvenir, par le moyen des objets sensibles, à la connaissance des esprits? Évidemment, il s'ensuit que la souveraine béatitude n'est pas dans la connaissance des sciences spéculatives. Ces sciences ne nous en confèrent qu'une certaine participation. 7. La béatitude consiste-t-elle dans la connaissance des substances spirituelles? Non, mais dans la connaissance de Dieu, que celui qui se glorifie, dit le Seigneur par la bouche de Jérémie, 9, 14, se glorifie dans ma science et dans ma connaissance. Principe créateur et illuminateur de notre âme, Dieu en est la perfection dernière, puisque, seul, il est l'être et la vérité par essence. Les anges, qui nous éclairent comme ses ministres, nous aident à arriver au souverain bonheur, mais ils n'en sont pas l'objet. 8. La béatitude de l'homme consiste-t-elle dans la vue de l'essence divine ? L'objet de la béatitude n'est autre que Dieu même, quand il apparaîtra, nous dit Saint Jean, 1er épître, 3, nous serons semblables à lui, et nous le verrons tel qu'il est, c'est-à-dire dans son essence. Pour que nous soyons parfaitement et souverainement heureux, il ne nous faut rien moins que la vision de l'essence divine, autrement il nous resterait toujours quelque chose à désirer et à chercher. En voulez-vous savoir la raison ? La voici. L'intelligence humaine a pour objet ce qui est, ou l'essence des choses. Or, percevoir une cause par son effet, savoir ainsi qu'elle existe, ce n'est pas la connaître absolument, il reste le désir de la considérer en elle-même. Lorsque, par exemple, vous avez été témoin d'une éclipse de soleil, l'admiration vous a conduit à en rechercher la cause, et le travail de votre esprit n'a pas cessé que vous ne soyez parvenu à la découvrir. De même, notre entendement aurait beau connaître l'essence des créatures et l'existence de Dieu, il lui resterait toujours le désir naturel de contempler la cause suprême elle-même, tant qu'il ne sera pas assez parfait pour en avoir la vue. Il ne sera point parfaitement heureux. Nous voyons par là que la béatitude doit nous donner la vision de l'essence même de la cause première. Alors, mais seulement alors, notre bonheur sera parfait, parce que nous serons unis à Dieu, unique objet de notre béatitude. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.